le temps qu'il faudra. Yeah, yeah, yeah, yeah. Prendra le temps qu'il faudra, prendra le temps qu'il faudra. Yeah. Bébé ne crains rien, bébé ne crains rien. Je sais où tu viens, je sais où tu viens. T'as vécu la pire des choses. Tu as mon soutien, tu as mon soutien. Et ton corps se souvient, et ton corps se souvient de la dernière main. De tous les coups, tatoué sur ta peau. Mais ce n'était pas moi. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais te soigner, je vais te soigner. J'attendrai le temps qu'il faudra, si tu le permets, si tu le permets. Devais la promesse, devais la promesse. Pas faire de promesse, promesse. T'ai donné ce qu'il faut, mais sans faire de promesse. Je ne suis pas ton ex, je ne suis pas dangereux. La faux vie c'est d'entendre, je vais te rendre heureuse. Fini l'époque où ta confiance était aveugle, aveugle. Que plus personne s'approche de toi, c'est ce que tu veux. Tu ne laisseras plus un homme te rendre malheureuse. Les coups qui t'a porté t'ont bien ouvert les yeux, les yeux. Tu dis qu'il n'y a pas d'avenir en toi et moi. Parce qu'au final les hommes on est tous les mêmes, yeah. Tu dis qu'il n'y a pas d'avenir en toi et moi. Mais laisse-moi essayer de régler tes problèmes. Yeah. Bébé ne crains rien, bébé ne crains rien. Je sais où tu viens, je sais où tu viens. T'as vécu la pire des choses. Tu as mon soutien, tu as mon soutien. Et ton corps se souvient, et ton corps se souvient de la dernière main. De tous les coups, et tatoué sur ta peau. Mais ce n'était pas moi. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais te soigner, et je vais te soigner. J'attendrai le temps qu'il faudra, si tu le permets, si tu le permets. Devais la promesse, devais la promesse. Pas faire de promesse, pas faire de promesse. T'ai donné ce qu'il faut, mais sans faire de promesse. Tu n'arriveras pas à m'éloigner de toi, juste parce que tu as peur que je puisse te décevoir. T'es l'héroïne que je sauve à la fin de l'histoire, de l'histoire. Yeah. Puisque je peux pas promettre, il ne te reste qu'à voir. Je te propose, je te donne, tu n'as qu'à recevoir. Tes yeux confirmeront ce que ton cœur peine à croire, à croire. Yeah. Tu dis qu'il n'y a pas d'avenir en toi et moi. Parce qu'au final les hommes on est tous les mêmes, yeah. Tu dis qu'il n'y a pas d'avenir en toi et moi. Mais laisse-moi essayer de régler tes problèmes, yeah. Bébé ne crains rien, bébé ne crains rien. Je sais où tu viens, je sais où tu viens. T'as vécu la pire des choses. Tu as mon soutien, tu as mon soutien. Et ton corps se souvient.